sei la ra, où la vie, l'amour et le rêve ont rendez-vous avec le vent. Une jolie île de rêve, trésor de paix et de bonté. Une jolie île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Les yeux des gars et des filles se mirent à l'océan berceur, et sur tous les visages brillent d'un sourire qui nous rend meilleurs. Une jolie île de rêve, trésor de paix et de bonté. Une jolie île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Si vous avez de la peine d'être à cas beaucoup de soucis, venez dans une île où l'on s'aime, c'est un vrai coin de paradis. Une jolie île de rêve, trésor de paix et de bonté. Une jolie île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Une jolie île de rêve, trésor de paix et de bonté. Une jolie.